Chapitre 3e. Le colonel avait cru, en ne donnant pas son nom à l'hôtel, cela suffirait pour vivre tranquillement, sans que personne ne s'occupât de lui et cherchât à savoir qui il était. Monsieur Horace Cooper, cela ne disait rien et n'appelait pas l'attention. Qui savait que le nom de Cooper fût celui de son valet de chambre? Et puis, pourquoi se serait-on inquiété de lui? Qu'avait-il de particulier? Ne pouvait-il point passer quelque part sans qu'on le regardât? Comme le loup de la fable, il ne portait point écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Chamberlain, le riche Chamberlain, celui dont les journaux ont si souvent parlé, celui qu'on a voulu assassiner. » Il était un homme comme tant d'autres, et ne demandant rien à personne, il se flattait qu'on voudrait bien ne rien lui demander à lui-même. C'était pour avoir le repos, la solitude, la liberté qu'il était venu s'établir dans ce pays. Où les trouverait-il, sinon dans ces montagnes, dans ce petit hameau? Mais ces montagnes n'étaient pas désertes, et ce hameau n'était pas sauvage. En croyant qu'il trouverait là la solitude et la liberté, le colonel s'était trompé comme un homme en retard de 100 ans ou comme un Huron. Ce n'est plus en Suisse qu'on trouve la solitude, pas plus que sur les côtes de Normandie ou de Bretagne, on a chance d'échapper à la vie parisienne. Cela était possible autrefois. Aujourd'hui, Paris est partout. On raconte des histoires du boulevard des Italiens en se promenant à travers les prairies de la Haute-Engadine. Et sur le sommet des Alpes, il y a des gens qui saluent le soleil levant en sifflant l'air à la mode de la dernière opérette des Folies ou des Variétés. Beaucoup moins désert que les villages de l'Engadine, beaucoup moins sauvage que les sommets des Alpes, l'hôtel du Régivaudois abritait en ce moment des gens qui avaient traversé Paris et qui connaissaient bien le monde parisien. Parmi ces touristes se trouvait une famille française qui précisément professait le fanatisme le plus ardent pour tout ce qui était Paris, vie parisienne, mœurs parisiennes, mode parisienne, monde parisien. Bien entendu, cette famille n'était pas parisienne, elle était bourguignonne. Ils possédaient aux environs d'Auxonne un petit château où elle passait 10 mois de l'année à faire des économies, s'éclairant avec de la chandelle, mangeant des pommes de terre, s'imposant des privations de toutes sortes. Ces économies et ces privations n'avaient pour elle d'autre but que de concentrer ses ressources sur 2 mois. L'un qu'elle passait à Paris au moment du Grand Prix, l'autre qu'elle passait en Suisse, en Allemagne ou en Savoie, dans quelques stations à la mode. Composée de 3 personnes, une vieille mère coquette, Madame de Ratinelle et ses 2 enfants, un fils, Joseph, non marié, une fille, Hermance, non mariable, cette famille n'avait dans le monde parisien que des relations peu nombreuses et tout à fait modestes. Cependant, elle s'intéressait à tout ce qui se passait dans ce monde et ne vivait que pour lui. En arrivant à Paris, la première visite de Mademoiselle de Ratinelle était pour Faugerolles, à qui elle commandait une toilette qu'elle devait arborer au Grand Prix. Mais chaque jour, depuis le moment de la commande jusqu'à celui de la livraison, elle venait passer 1 heure dans le salon de Faugerolles sous prétexte de savoir si on ne l'oubliait pas, ou bien pour donner quelques instructions. En réalité, ce qu'elle voulait, c'était une occasion de rester le plus longtemps possible dans ce salon. Elle ne se plaignait pas d'attendre, bien au contraire, elle s'installait commodément, et elle regardait passer devant elle les clients de Faugerolles, en les étudiant et en se faisant nommer celles qu'elle ne connaissait pas. Rentrée à Auxonne, elle avait ainsi des renseignements précis sur le High Life, qu'elle racontait en les arrangeant habilement. En même temps, pour appuyer ses récits, elle prêtait volontiers la dernière toilette de Faugerolles, qui devenait ainsi un modèle précieux pour les couturières d'Auxonne, de Dole, de Poligny et même de Dijon. Pendant qu'elle était chez Faugerolles, son frère, qui avait la même passion qu'elle, s'établissait à une petite table du café qui fait le coin du boulevard et de la rue Scribe, et là, il tâchait de trouver quelqu'un pour lui nommer les membres du Jockey Club qui entraient ou qui sortaient. Aux premières représentations, il n'avait d'autre souci que de voir les notabilités du vrai monde ou de la cocoterie, et de même encore à Longchamp ou bien à Chantilly. Tous deux avaient donc des histoires à peu près semblables à raconter dans leur province, et comme avec cela ils étaient de fidèles abonnés du sport, ils trouvaient sous la rubrique « Déplacements et villégiatures » des indications précises sur le mouvement du grand monde qui leur permettaient d'en parler comme s'ils en avaient fait véritablement partie. Comment douter de leur relation parisienne lorsque les noms les plus connus se trouvaient à chaque instant dans leur bouche avec des détails circonstanciés, on les admirait on les enviait quand on ne se moquait pas d'eux. On disait communément à Hugson « Attendons que les Ratinelles soient revenus de Paris, ou bien encore, quand les Ratinelles iront à Paris. » Les modes elles-mêmes étaient soumises à cette influence. Ce n'était plus pour Pâques ou pour l'Ascension qu'on commandait les toilettes d'été. On attendait le retour de Mademoiselle Ratinelle pour voir la dernière mode de Paris. Il y avait des gens qui avaient du dépit si leur chapeau était plus large de bord que celui que Joseph Ratinelle rapportait de Paris. On comprend que de Paris fanatique devait connaître le colonel Chamberlain qui, pendant la dernière saison, avait si souvent fait parler de lui. Joseph Ratinelle savait au juste les sommes que le colonel gagnait dans son association avec le marquis de Lucilière. Et Hermance racontait à ses intimes que c'était le colonel qui payait les notes de la marquise de Lucilière chez Faugerolles, et de belles notes, s'élevant à plus de 500 000 francs par an. Si ce chiffre provoquait un mouvement d'incrédulité, elle affirmait qu'il lui avait été donné non par Faugerolles lui-même, qui était trop discret pour parler de ses clientes, mais par sa première demoiselle. Toujours à l'affût de nouvelles parisiennes, le frère et la sœur interrogeaient tous les matins et tous les soirs les domestiques de l'hôtel du Rigivaudois pour savoir le nom des nouveaux arrivants. Lorsqu'on leur eut annoncé celui de M. Horace Cooper de Pittsburgh en Amérique, cela ne les avait point tout d'abord intéressés. Horace Cooper, cela ne signifiait rien pour eux. Un marchand américain, sans doute, une espèce. Mais, toujours cherchant, toujours interrogeant, ils avaient bientôt appris que cet Horace Cooper, ce beau nègre qu'ils avaient rencontré, était le compagnon, probablement l'homme de confiance, peut-être même le valet de chambre d'un gentleman, qui tous les matins quittait l'hôtel de très bonne heure, pour n'y rentrer que dans la soirée, et dîner dans sa chambre où il mangeait seul. Là-dessus, la curiosité du frère, comme celle de la sœur, s'était éveillée. Quel pouvait être ce gentleman qui se cachait ainsi ? Le mystère dont il s'entourait rachetait ce que sa nationalité lui faisait perdre en intérêt à leurs yeux. On avait guetté le gentleman en tenant tout simplement grandes ouvertes les portes donnant sur le corridor par lequel il devait passer pour gagner sa chambre. Comment ? Ce gentleman n'était autre que le célèbre colonel Chamberlain ? Le lendemain soir, tout l'hôtel savait que le gentleman qui paraissait s'entourer de mystères était ce fameux colonel Chamberlain, ce riche américain dont toute l'Europe s'était occupée lorsqu'il avait failli être assassiné, au milieu de la forêt de Marly, dans des circonstances bizarres, restées jusqu'à ce jour inexpliquées. Et M. Joseph de Ratinelle était devenu le centre d'un cercle auquel il racontait les exploits des chevaux de course du colonel. Tandis que dans un autre cercle, Mlle Hermance, qui n'était prude ni de manière ni de langage, racontait comment ce colonel Chamberlain était l'amant de la fameuse marquise de Lucilière. Ces récits, le frère et la sœur les avaient déjà faits 20 fois pour leurs amis d'Auxonne en revenant de Paris. Mais combien plus intéressant était-il en Suisse, à l'hôtel du Rigivaudois, alors que ceux qui les écoutaient pouvaient apercevoir le héros des histoires qu'on leur racontait. On voulait des détails, et dans ces détails, la précision est le mot propre. Comment le colonel se trouvait-il seul à l'hôtel du Rigivaudois ? Cette solitude ne semblait guère compatible avec cette passion extravagante dont on parlait. Évidemment, il y avait là quelque chose d'étrange, et cette question avait jeté un certain trouble dans les récits du frère et de la sœur, qui étaient restés sans pouvoir y répondre. Mais ils n'étaient pas de ceux dont la curiosité se décourage facilement. Ils avaient réfléchi, ils avaient regardé, ils avaient cherché. Et bientôt, ils avaient trouvé une explication qui leur avait paru tout à fait satisfaisante. Sous le nom de Horace Cooper, le colonel avait retenu 3 chambres et il avait exigé qu'elles fussent voisines les unes des autres. Pour qui, cette 3e chambre qui ne servait à rien ? Assurément, c'était pour la marquise de Lucilière qu'elle est arrivée d'un jour à l'autre rejoindre son amant. De là, ces précautions et ce mystère. Quelle bonne fortune pour les curieux et les curieuses ! Et il s'était formé un petit groupe des pensionnaires de l'hôtel qui ne parlaient plus que du colonel Chamberlain. On allait donc s'amuser un peu et avoir un inépuisable sujet de conversation. Mais pour cela, il fallait respecter l'incognito du colonel et le laisser dans la croyance qu'on admettait Horace Cooper comme vrai. Ou bien, s'il avait des soupçons, il quitterait l'hôtel du Rigi et s'établirait ailleurs, à l'hôtel des Alpes, à l'hôtel Byron. Bien que l'on se fût promis de s'enfermer dans cette réserve à l'égard du colonel, on ne sut pas tenir cette promesse, et comme il arrive souvent, chacun crut pouvoir y manquer personnellement, s'en remettant à son voisin pour l'observer avec plus de fidélité. Mais aussi, comment résister à la tentation lorsque les hasards de la promenade vous faisaient apercevoir ce fameux colonel assis au bord d'un ravin et lisant ? Au lieu de passer loin de lui, on passait aussi près que possible, et par-dessus son épaule, on tâchait de voir le titre du livre qu'il lisait. Le soir, lorsqu'on l'entendait rentrer, comment avoir la vertu de ne pas ouvrir sa porte pour s'assurer qu'il était seul et que la marquise de Lucilière n'était pas avec lui ? Jeune fille, comment n'avoir pas envie de lever les yeux sur ce personnage dont on parlait comme d'un héros de roman ? Qu'avait-il de lui de particulier ? En quoi ne ressemblait-il pas aux autres hommes ? Et alors, au lieu de lever rapidement les yeux en passant, on les tenait attachés sur lui plus longtemps qu'on ne voulait. On sentait qu'on avait tort, et qu'on commettait une inconvenance, cependant on la commettait. Et c'était lui qui baissait les yeux ou les détournait, montrant manifestement qu'il se demandait pourquoi on le regardait ainsi. Cependant, la marquise de Lucilière ne venait pas. Un jour, enfin, on avait cru qu'on allait la voir arriver à l'hôtel du Rigis. Une des personnes qui manifestait le plus de curiosité à ce sujet avait été à Genève et, au moment de prendre un des trains du matin pour revenir à Montreux, elle avait rencontré le colonel Chamberlain qui débarquait à Genève. Bien certainement, il avait été au-devant de la marquise de Lucilière et il allait revenir avec elle le soir. Cela ne faisait de doute pour personne, tant cette explication concordait bien avec l'idée à laquelle on s'était arrêté. Aussi, le soir, le dîner avait-il été expédié plus rapidement que de coutume, et l'on n'était point resté à table pour causer. La famille de Ratinelle, qui avait ses chambres sur le même corridor que le colonel, avait adressé des invitations à celles des personnes qui, habitant à un autre étage, n'auraient pas pu voir l'entrée de la marquise de Lucilière. Et l'on s'était installé, portes ouvertes, de manière que le colonel et la marquise dussent passer sous le feu de tous les regards curieux qui guettaient si impatiemment leur arrivée. À 9 heures, ils devraient arriver. Jamais les chambres n'avaient été éclairées avec un pareil luxe de lumière. Le bruit d'une voiture s'arrêtant dans la cour serait le signal. Mais on n'entendit pas de bruit de voiture. À 9h30 seulement, les pas d'un homme résonnèrent dans l'escalier, puis dans le corridor. Tous les yeux se tournèrent du même côté. C'était le colonel, mais le colonel tout seul. Quelle déception ! Lorsqu'il eut fermé la porte de sa chambre, on se réunit chez Madame de Ratinelle pour se consoler. Mademoiselle Hermance de Ratinelle était une jeune personne qui avait une certaine expérience de la vie humaine et des choses de la passion. Où et comment avait-elle acquis cette expérience ? C'est ce qu'il est inutile d'examiner en ce moment. Autant j'étais convaincu hier de l'arrivée prochaine de Madame de Lucilière, dit-elle, autant je suis certaine aujourd'hui que cette arrivée n'aura pas lieu. Et pourquoi ? C'est vous qui la première avez parlé de cette arrivée. Je me suis laissé tromper, comme le colonel s'est laissé tromper lui-même. Nous sommes dupes tous deux, lui très probablement d'une promesse, moi des apparences. Ce qui veut dire que Madame de Lucilière a envoyé le colonel au Glion, tout simplement pour s'en débarrasser et avoir sa tranquillité et sa liberté à Paris, tandis qu'il l'attendait en Suisse, où il ne devait pas venir. Mais c'est très fort ce que vous dites là. Cela résulte tout simplement du caractère et des habitudes de la marquise de Lucilière. Quand on connaît ce caractère et ses habitudes comme je les connais, il n'est pas difficile de deviner comment les choses ont dû se passer. Le cœur de Madame de Lucilière est en train de faire une évolution nouvelle, voilà tout. Et comme le colonel Chamberlain était gênant près d'elle, elle l'expédie au loin, c'est élémentaire. Alors ce pauvre colonel va se morfondre ici pendant que Madame de Lucilière ne se morfond pas à Paris. Va-t-il rester ici à attendre, ou bien plutôt, ne va-t-il pas retourner à Paris ? C'était ce qu'on se demandait chaque jour, et en attendant ce départ, les remarques, les observations et les commentaires continuaient. Ainsi l'on sut, par le valet de chambre chargé de son appartement, qu'il brûlait régulièrement une bougie toutes les nuits et quelquefois même deux. Il ne dormait donc pas. En regardant le plateau sur lequel on lui servait son dîner et qu'on déposait sur une table du vestibule en le sortant de sa chambre, on constata qu'il laissait presque tout intact et que c'était à peine s'il touchait à son pain. Il ne mangeait donc pas. Que conclure de tout cela ? Une seule chose, à savoir qu'il éprouvait un profond chagrin et que dans les suppositions de Mademoiselle de Ratinelle, il y avait une forte partie de vérité.